Curiosité.net. Humbert de Saint-Amand présente la cour de Louis XIV. Lu par Alain Bernard. Illustration musicale. Pergolèse, Stabat Mater, numéro 13, licence Muse Open. Grand 1, le château de Versailles. Avant de rappeler le rôle que les femmes de Versailles ont joué, il faut dire quelques mots du théâtre sur lequel leurs destinées se sont accomplies et montrer par quelle transformation miraculeuse un endroit triste et sombre, plein de sable mouvant et de marécages, sans vue, sans eau, sans forêt, fut façonné, pour ainsi dire, à l'image du grand roi et devint une merveille, objet de l'admiration du monde entier. Comme ces grands fleuves qui, à leur source, sont à peine un petit ruisseau, l'existence du palais destiné à tant de splendeur commença dans les proportions les plus modestes. C'est en 1624 que Louis XIII fit bâtir à Versailles un rendez-vous de chasse sur une éminence où il y avait auparavant un moulin à vent. En 1627, dans une assemblée de notables tenus aux Tuileries, Bassompierre reprochait au roi de ne pas achever les bâtiments de la couronne et disait à ce propos « L'inclination de Sa Majesté n'est point portée à bâtir. Les finances de la Chambre ne seront point épuisées par ces somptueux édifices. » Si ce n'est qu'on veuille lui reprocher le chétif château de Versailles, de la construction duquel un simple gentilhomme ne voudrait pas prendre vanité. En 1651, 8 ans après la mort de son père, Louis XIV alors, dans sa 13e année, vint pour la première fois à Versailles. Il s'attacha dès lors à ce séjour, et quelques années plus tard, il le choisit pour y donner des fêtes magnifiques. Au mois de mai 1664, il y fit célébrer les plaisirs de l'île enchantée, divertissements empruntés aux poèmes de l'Arioste, à l'exécution desquels concoururent Benserade et le président de Périgny pour les récits en vers, Molière et sa troupe pour la comédie, Lully pour la musique et les ballets, le machiniste italien Vigarini pour les décors, les illuminations et les feux d'artifice. Le 7 mai, première journée des fêtes, il eut une course de bagues en présence des deux reines, Anne d'Autriche et Marie-Thérèse, dans un cirque de verdure élevé à l'entrée de ce qu'on nomme aujourd'hui le tapis vert. Le jeune Louis XIV, vêtu d'un costume où tous les diamants de la couronne resplendissaient, représentait le paladin Roger dans l'île Alcine. Après le tournoi, dont il fut le vainqueur, Flore et Apollon arrivèrent pour le féliciter sur des chars que traînaient les nymphes, les satyres, les dryades. Au banquet, le temps, les heures, les saisons, servirent les convives, abrités sous des bosquets de lilas, de muguets et de roses. Le lendemain, 8 mai, on représenta sur un théâtre élevé au milieu de la même allée la Princesse des Lides, pièce dans laquelle Molière jouait les rôles de Lysiscas et de Moron. Le 9, ballet dans le palais d'Alcide, avec feu d'artifice qui en simulait l'embrasement. Le 10, course de tête dans les fossés du château. Le 11, représentation des fâcheux de Molière. Le 12, loterie où se trouvaient des ameublements, des pièces d'argenterie, des pierres précieuses. Et le soir, le Tartuffe. Le 13, le mariage forcé. Le 14, départ du roi et de la cour pour Fontainebleau. Versailles n'était pas encore la résidence royale, mais Louis XIV venait de temps en temps y passer quelques jours, parfois quelques semaines, surtout quand il voulait éblouir les yeux et fasciner les imaginations par l'éclat de ces fêtes pompeuses qui ressemblaient à des apothéoses. Le 14 septembre 1665, il y eut à Versailles une grande chasse où la reine, Madame Henriette d'Angleterre, Mademoiselle de Montpensier, Mademoiselle d'Alençon chassèrent en costume d'Amazone. Et au mois de février 1667, un carrousel qui recula les bornes de la magnificence. La Gazette a soin de nous décrire le cortège des dames de la cour, toutes admirablement équipées, et sur des chevaux choisis, conduites par madame, avec une veste des plus superbes, et sur un cheval blanc, houssé de brocart, semé de perles et de pierreries. Après l'escadron féminin, apparaissait le roi Soleil. Ne se faisant pas moins connaître à cette haute mine qui lui est si particulière qu'à son riche vêtement à la hongroise couvert d'or et de pierres précieuses, avec un casque ondoyé de plumes, et à la fierté de son cheval, qui semblait plus superbe de porter un si grand monarque que de la magnificence de son carapaçon et de sa housse pareillement couverte de pierreries. Gazette de 1667. Venait ensuite monsieur, frère du roi, en costume de turc, puis le duc d'Enghien, habillé en indien, puis les autres seigneurs, qui formaient 10 quadrilles. Le 10 juillet 1668, nouvelle réjouissance. Dans la journée, représentation des fêtes de l'amour et de Bacchus, paroles de Kino, musique de Lully et de Georges Dandin, jouées par Molière et par sa troupe. Le soir, festin et bal. À 2 heures du matin, illumination. Le pourtour du parterre de la Tonne, la grande allée, la terrasse et la façade du palais étaient décorés de statues, de vases, de candélabres éclairés d'une manière ingénieuse qui les faisait paraître comme enflammés à l'intérieur. Les fusées des feux d'artifice se croisaient au-dessus du château et, lorsque toutes ces lumières s'éteignaient, dit Félibien en terminant le récit de la fête, on s'aperçut que le jour, jaloux des avantages d'une belle nuit, commençait à poindre. Le 17 septembre 1672, la troupe du roi représentait les femmes savantes de Molière, qui furent, dit la Gazette, admirées d'un chacun. Du 8 février au 19 avril 1674, Bourdaloue prêchait le carême à Versailles. Le 11 juillet, on y jouait le malade imaginaire de Molière, mort l'année précédente. Au mois d'août, il y avait une série de grandes fêtes. Félibien fait une description saisissante de la nuit du 31 août 1674, où l'on vit tout à coup, sous un ciel sans étoiles et du noir le plus sombre, un ruissellement inouï de lumière. Tous les parterres étincelaient. La grande terrasse, qui est devant le château, était bordée d'un double rang de feux, espacés à 2 pieds l'un de l'autre. Les rampes et les degrés du fer à cheval, tous les massifs, toutes les fontaines, tous les bassins resplendissaient de 1000 flammes. De l'Italie était venu cet art pyrotechnique, ce mélange de feux, de fleurs et d'eau, qui faisait ressembler le parc au jardin d'Armide. Les rives du Grand Canal étaient ornées de statues et de décorations d'architecture, derrière lesquelles on avait disposé un nombre infini de lumières qui les faisaient paraître transparentes. Le roi, la reine et toute la cour étaient sur des gondoles richement ornées. Des bateaux remplis de musiciens les suivaient, et l'écho répétait les sons d'une harmonie magique. À partir de l'année suivante, de grands travaux, commencés par Levaux et d'Orbé, continués par Jules Hardouin-Mansart, furent entrepris à Versailles, où Louis XIV voulait fixer sa résidence définitive. Quel motif le déterminait à renoncer à ce château de Saint-Germain, où il était né, à ce château si admirablement situé, d'où l'on découvre un si beau fleuve, un si vaste et si magnifique horizon? Rien ne manque à Saint-Germain, ni les arbres, ni l'eau, ni la vue. L'air y est vif et salubre. Et du haut de la terrasse, adossée à la forêt, on contemple un des panoramas les plus variés et les plus majestueux du globe. Si Louis XIV avait dépensé pour embellir et agrandir le vieux château, celui qui existe encore, et le château neuf, celui qui était situé en face de la Seine et qui fut détruit sous Louis XVI, la moitié des sommes dépensées pour Versailles, quel incomparable palais, quelle merveille aurait-on admiré? Que n'aurait-on pas pu faire du château neuf de Saint-Germain? Et il n'en reste aujourd'hui que le pavillon Henri IV de ce château si élégant, dont les escaliers paraissaient de loin comme des arabesques en relief incrustées sur le flanc de la colline, et dont les 5 terrasses successives, ornées de bosquets, de bassins, de parterres de fleurs, descendaient jusqu'à la Seine. Comment préférer une belle résidence à un tel paysage? Un manoir obscur, sans perspective, entouré d'étangs fangeux, sur un terrain où, au lieu d'être favorisé par la nature, il fallait la tyranniser, la dompter à force d'art et d'argent. Était-ce, comme on l'a dit, la vue lointaine du clocher de Saint-Denis, dernier terme de la grandeur royale, qui rendait Saint-Germain antipathique à Louis XIV? Ce clocher qui semblait lui dire à l'horizon « Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris » contrariait-il l'ivresse de vie de toute puissance qui débordait en lui? Cette pensée, pusillanime, nous semble indigne du grand roi. Nous inclinons plutôt à croire que ce qui éloignait Louis XIV de Saint-Germain, c'était le souvenir du temps où, chassé de Paris par les troubles de la Fronde, il fut transporté nuitamment dans le vieux château. Sans doute, il n'aimait pas voir de sa fenêtre cette capitale qui avait insulté son enfance. S'arracher à un souvenir important, effacer complètement, même dans la pensée, les derniers vestiges des actes de rébellion contre l'autorité royale, choisir une résidence qui n'était rien pour en faire le plus radieux des palais, se complaire dans cette transformation comme dans le triomphe de la puissance, de l'orgueil, de la force de volonté, tout créer soi-même, architecture, jardin, fontaine, horizon, contraindre la nature, à plier sous le joug et à s'avouer vaincu comme la Révolution. Tel fut le rêve de Louis XIV, et ce rêve, il le réalisa. De 1675 à 1682, les travaux de Versailles se poursuivirent avec une étonnante activité. On acheva les grands appartements du roi et l'escalier dit des ambassadeurs. On construisit la galerie des glaces, à l'endroit où une terrasse occupait le milieu de la façade du côté des jardins. On ajouta au château l'aile du midi, dite aile des princes. On termina, à droite et à gauche, les bâtiments qui bordent la première cour avant le château et qu'on désigne sous le nom d'aile des ministres. On éleva la grande et la petite écurie. Enfin, en 1681, on transporta la chapelle sur l'emplacement actuel du salon d'Hercule et du vestibule qui se trouve au-dessous. Le 30 avril 1682, l'archevêque de Paris, François de Harlay, bénit la nouvelle chapelle et, le 6 mai suivant, Louis XIV s'installa définitivement à Versailles. Si l'on veut se rendre compte des agrandissements de Versailles, on n'a qu'à regarder le tableau de Van der Meulen qui est dans l'antichambre du roi, de la notice du musée aussi. Ce tableau qui porte le numéro 2145 représente Versailles tel qu'il était avant les travaux ordonnés par Louis XIV. Le roi s'établit au centre même du palais. Le salon dit « œil de bœuf » était alors divisé en deux pièces, la chambre des Bassans, ainsi nommée parce qu'elle contenait plusieurs tableaux de ce maître, c'est là qu'attendaient les princes et seigneurs admis au lever du souverain, et l'ancienne chambre de Louis XIII, où Louis XIV coucha de 1682 à 1701. À côté de cette chambre était le grand cabinet où se faisaient les cérémonies du lever et du coucher, où le roi donnait audience aux nonces et aux ambassadeurs, où il recevait le serment des grands officiers de sa maison. Cette pièce devint la chambre à coucher de Louis XIV, et c'est là qu'il mourut. La salle suivante était alors séparée en deux. La partie la plus rapprochée de la chambre du roi se nommait le cabinet du conseil. C'est là que Louis XIV prit avec ses ministres les plus grandes décisions de son règne. L'autre se nommait le cabinet des termes ou des perruques. La reine et le dauphin eurent leur logement, l'une au premier étage, l'autre au rez-de-chaussée, dans la portion méridionale de l'ancien château de Louis XIII, celle qui domine l'orangerie et la pièce d'eau des Suisses. Les appartements de la reine aboutissaient par le salon de la paix à la galerie des glaces, le chef-d'œuvre du nouveau Versailles. À l'autre extrémité de la galerie, commençait avec le salon de la guerre, les salles désignées sous le nom de grands appartements du roi, pièces d'apparat et de réception, portant des noms mythologiques, salle d'Apollon, de Mercure, de Mars, de Diane, de Vénus. Le gouverneur du palais et le confesseur du roi logèrent dans l'aile du nord, celle qu'a depuis reconstruite l'architecte Gabriel. Au-delà de l'emplacement où est la chapelle actuelle, on plaça les princes de Condé et de Conti, le gouverneur des enfants de France, et un bon nombre de grands officiers et de chapelles. Dans la grande salle du midi, les enfants de France et la famille d'Orléans habitèrent en face des jardins. Enfin, les secrétaires d'État, ministres de la maison du roi, des affaires étrangères, de la guerre, de la marine, s'installèrent dans les deux corps de bâtiments devant lesquels s'élèvent aujourd'hui les statues d'hommes célèbres. L'ensemble de ces immenses constructions, subdivisées à l'infini dans l'intérieur, servait d'habitation à plusieurs milliers d'individus. Versailles était achevé. À part très peu de modifications, il offrait l'aspect qu'il présente aujourd'hui. Du côté de la ville, le monument, quoique grandiose, est disparate. Son architecture composite, le contraste qui se fait remarquer entre la brique et la pierre, entre le château primitif et ses immenses accroissements, a quelque chose qui étonne. De l'autre côté, celui du parc, tout au contraire, est majestueux, régulier, empreint d'une harmonie parfaite. Cette façade, ou pour mieux dire, ces trois façades, ayant ensemble 375 ouvertures sur le jardin, ce corps de bâtiment où habite le maître, et qui fait saillie au milieu d'une longue ligne droite, ses ailes qui semblent se reculer, comme pour garder une respectueuse distance, ses bosquets façonnés en murailles de verdure, ses bassins encadrés dans des marbres précieux, dépendant du palais dont ils sont le complément, tout cela frappe l'esprit et les yeux d'un véritable saisissement. Jamais peut-être la splendeur d'un palais ne s'est mieux identifiée avec la grandeur d'un homme. L'idole est digne du temple, le temple digne de l'idole. Il y a toujours dans les monuments quelque chose d'immatériel, de moral, pour ainsi dire, et ils empruntent leur poésie à la pensée qui s'y rattache. C'est pour une cathédrale l'idée de Dieu, c'est pour Versailles l'idée du roi. La mythologie, comme on en a fait la juste remarque, n'est plus qu'une allégorie magnifique dont Louis XIV est la réalité. C'est lui partout, lui toujours. Les héros, les divinités de la fable ne font que lui prêter leurs attributs ou se mêler à ses courtisans. En son honneur, Neptune fait jaillir de toutes parts les eaux qui se croisent dans les airs en voûtes étincelantes. Apollon, son symbole favori, préside à ce monde enchanté, comme le dieu de la lumière, l'inspirateur des muses. Le soleil du dieu paraît s'humilier devant celui du roi. Nec pluribus impar. La nature et l'art s'unissent pour célébrer par un hosanna perpétuel la gloire du souverain. Deuxième partie. Louis XIV et sa cour en 1682. Lorsque Louis XIV établit définitivement sa résidence à Versailles en 1682, les principales femmes de la cour qui s'y installèrent avec lui étaient la reine, âgée comme lui de 44 ans, née en 1638, mariée en 1660, la dauphine, princesse bavaroise, née en 1660, mariée en 1680, ayant une mauvaise santé, un caractère doux et mélancolique, la duchesse d'Orléans, désignée tantôt sous le nom de madame, tantôt sous celui de princesse palatine, née en 1652, mariée en 1671 à monsieur, frère du roi, allemande ne pouvant s'habituer à sa nouvelle patrie, la princesse de Conti, née en 1666, mariée en 1681 au prince Armand de Conti, neveu du grand Condé, jeune femme d'une grâce et d'une beauté exceptionnelles, mademoiselle de Nantes, née en 1673, mademoiselle de Blois, née en 1677, qui devait épouser quelques années plus tard, l'une le duc de Bourbon, l'autre le duc de Chartres, le futur régent. Madame de Montespan, leur mère, alors âgée de 41 ans, arrivée au terme de sa puissance, mais demeurant encore à la cour, en sa qualité de dame du palais de la reine. Enfin, madame de Maintenon, déjà très influente, sous des dehors modestes, belle encore malgré ses 47 ans, en aussi bon terme avec la reine qu'avec le roi, et récompensée depuis 1680 des soins qu'elle avait donnés comme gouvernante aux enfants de madame de Montespan par une place créée pour elle, qui ne la streignait à aucun service assujettissant et la fixait à la cour dans une position honorable, la place de seconde dame d'atour de la dauphine. On ne peut comprendre le rôle des femmes de Versailles qu'en étudiant d'abord le souverain qui fut l'âme de ce palais et qui marqua de sa forte empreinte non seulement son royaume, mais encore l'Europe tout entière. Jamais monarque n'exerça un pareil prestige personnel, et tout ce qui brillait autour de lui n'était qu'un pâle reflet de cette éblouissante lumière. La vie de Louis XIV gagne, quoi qu'on en dise, à être examinée de près. Défauts et qualités, tout fut grand dans ce type accompli de la monarchie absolue, de la royauté de droit divin. Louis XIV n'était pas seulement majestueux, il était aussi agréable. Les membres de sa famille, ses ministres, les personnes de son entourage, ses domestiques, l'aimaient. Ce souverain, intimidant à ce point qu'il fallait, au dire de Saint-Simon, commencer par s'accoutumer à le voir, si, en lui parlant, on ne voulait s'exposer à demeurer court, était pourtant plein de bienveillance et d'affabilité. Jamais homme si naturellement poli, ni d'une politesse si fort mesurée, ni qui distingua mieux l'âge, le mérite, le rang, jamais il ne lui échappa de dire rien de désobligeant à personne. Mémoire de Saint-Simon. La princesse Palatine, ordinairement si sévère, si caustique, rendait hommage à ses qualités d'homme privé autant qu'à ses qualités de souverain. « Quand le roi voulait, dit-elle dans sa correspondance, il était l'homme le plus agréable et le plus aimable du monde. Il plaisantait d'une manière comique et avec agrément. Quoiqu'il aimât la flatterie, il s'en moquait souvent lui-même. Il s'entendait parfaitement à contenter les gens, même en leur refusant leurs demandes. Il avait les manières les plus affables et parlait avec tant de politesse qu'il leur touchait le cœur. Quand il s'agissait de son propre mouvement, il était toujours bon et généreux. Ce souverain, qui a donné des marques d'un égoïsme cruel, avait cependant parfois d'exquises délicatesses de cœur. Madame de Lafayette, bon juge en matière de sentiments, le constate aussi dans ses mémoires. Le roi, qui a l'âme bonne, a une tendresse extraordinaire, surtout pour les femmes. Avec son incontestable beauté de taille et de visage, sa douceur majestueuse, le son de sa voix pénétrante, avec cette courtoisie chevaleresque, cette politesse exquise envers les femmes de tout rang, cette suprême élégance de manières et de langage, il aurait eu même, comme simple particulier, le don de se faire distinguer entre tous, comme le roi des abeilles, Mémoire de Saint-Simon. C'était un suprême artiste qui jouait avec aisance et conviction son rôle de roi. C'était aussi un poète qui aurait dit volontiers avec Alfred de Musset « Être admiré n'est rien, l'affaire est d'être aimé ». Poète en action dont l'existence, faite pour frapper l'imagination de ses sujets, se déroulait comme une série non interrompue d'actes grandioses et merveilleux. Souverain épris de gloire et d'idéal, qu'il se complaisait dans l'admiration des grandes batailles, des actes d'héroïsme et de courage, dans les appareils guerriers, dans les opérations du siège savamment combinées, dans les terribles mêlées de la guerre et au milieu des forêts, dans le bruyant tumulte des grandes chasses. Wackenauer, Mémoire de Madame de Sévigné. Louis XIV, sur son lit de mort, s'accusait d'avoir trop aimé la guerre. Il pouvait encore s'adresser beaucoup d'autres reproches sur sa vie passée, mais on se tromperait en croyant que le plaisir y avait occupé la première place. Pendant toute la durée de son règne, il ne cessa jamais de travailler 8 heures par jour. Il avait donc le droit d'écrire dans les mémoires destinées à servir d'instruction à son fils que, pour un roi, ne pas travailler, c'est de l'ingratitude et de l'audace à l'égard de Dieu, de l'injustice et de la tyrannie à l'égard des hommes. Ces conditions, disait-il, qui pourront quelquefois vous sembler rudes et fâcheuses dans une si haute place, vous paraîtraient douces et aisées s'il s'agissait d'y parvenir. Rien ne vous serait plus laborieux qu'une grande oisiveté si vous aviez le malheur d'y tomber. Dégoûté premièrement des affaires, puis des plaisirs, vous seriez enfin dégoûté d'oisiveté elle-même. Le travail était pour le grand roi une source de satisfactions incessantes. Avoir les yeux ouverts sur toute la terre, ajoutait-il, apprendre incessamment les nouvelles de toutes les provinces et de toutes les nations, le secret de toutes les cours, l'humeur et le faible de tous les princes et de tous les ministres étrangers, être informé d'un nombre infini de choses qu'on croit que nous ignorons, voir autour de nous-mêmes ce qu'on nous cache avec le plus grand soin, découvrir les vues les plus éloignées de nos propres courtisans, je ne sais quel autre plaisir ne quitterions pas pour celui-là, si la seule curiosité nous le donnait. Louis XIV essayait ensuite de prémunir le dauphin contre le danger des favoris et le danger plus grand encore des favorites. Lui-même se faisait certaines illusions à leur égard et se vantait à tort dans ce mémoire de n'avoir jamais été dominé par aucune d'elles. « Comme le prince devrait toujours être un parfait modèle de vertu, disait-il enfin, il serait bon qu'il se garantît des faiblesses communes au reste des hommes, d'autant qu'il est assuré qu'elle ne saurait demeurer cachée. » On sait combien Louis XIV s'était écarté de ses sages et belles maximes. Mais 1682 est le commencement du repentir, l'année où le roi revient définitivement à la vertu, où il médite pratiquement sur les avantages de la règle et du devoir, même au point de vue humain. En outre, les paroles des grands sermonnaires retentissaient à son oreille plus puissamment que de coutume, et la voix de sa conscience dominait enfin celle des passions. Du fond du cloître où elle était enfermée depuis déjà 8 ans, la duchesse de La Vallière, devenue sœur Louise de la Miséricorde, lui inspirait par l'exemple de sa pénitence de pieuses réflexions et de salutaires résolutions. Jamais, s'il faut en croire un judicieux critique, Valkenauer dans les mémoires de Madame de Sévigné. Elle ne fut plus présente à la pensée du roi. Jamais elle ne lui apparut sous des traits plus divins que depuis qu'elle avait abandonné la cour. Il lui accordait avec joie ce qu'elle demandait, non pas pour elle, mais pour des personnes de sa famille, et il était heureux d'apprendre que la reine et toute la cour donnaient à la sainte carmélite des marques d'intérêt et de vénération. C'est ainsi qu'au pied des autels, sœur Louise de la Miséricorde demandait à Dieu et obtenait la conversion de Louis XIV. Quand on pense que dès l'âge de 44 ans, dans la plénitude de la force morale et physique, à l'apogée de sa gloire, ce monarque tout-puissant mit fin à tout scandale et mena jusqu'à sa mort une vie privée irréprochable au milieu de tant de séductions, on ne peut s'empêcher de rendre hommage à un pareil triomphe de la prière et du sentiment religieux. La conscience de la dignité royale, qu'on lui a reprochée comme exagérée, n'était pas chez lui un orgueil coupable et incompatible avec le respect de la divinité. Croyant à l'autel et au trône, il avait foi d'abord en Dieu, puis en lui-même, loin du Seigneur. Son idéal, c'était le ciel, et au-dessous du ciel, la royauté. La royauté représentant le droit de la force et la force du droit, la royauté majestueuse, tutélaire, répandant comme le soleil sur les pauvres et les riches, sur les petits et les grands, la splendeur et les bienfaits de ses rites. Louis XIV se mesurait lui-même avec une haute justice. Autant il se trouvait grand devant les hommes, autant il se trouvait petit devant Dieu. Mieux qu'aucun autre, il aurait pu s'appliquer ce vers de Corneille. Pour être plus qu'un roi, te crois-tu quelque chose? Le souverain, qui aurait défié tous les monarques réunis, s'agenouillait humblement devant un prêtre obscur. Le digne héritier de Charlemagne demandait pardon de ses fautes au fils d'un paysan. C'est ce mélange d'humilité chrétienne et de fierté royale qui donne à la physionomie de Louis XIV un caractère si imposant. Les sentiments religieux que sa mère lui avait inculqués dès le berceau lui revenaient sans cesse à l'esprit, même dans ses plus regrettables écarts. Quand il était enfant, cette mère passionnée s'agenouillait devant lui en s'écriant avec transport « Je voudrais le respecter autant que je l'aime ». Cette exclamation n'était pas une flatterie banale. C'était, pour ainsi dire, un acte de foi dans le principe de la royauté. Les premières impressions de l'enfant ne firent que se fortifier dans l'homme. Il y eut toujours en lui du souverain et du pontife. Âme de l'État, source de toute grâce, de toute justice, de toute gloire, il se considérait comme le lieutenant de Dieu sur la terre, et c'est en cette qualité qu'il avait pour lui-même une sorte de vénération dans laquelle les grands prédicateurs eux-mêmes ne faisaient que l'affermir. Les idées gouvernementales de Bossuet sont le commentaire de cette foi politique, associée intimement à la foi religieuse dont elle est le corollaire. Pour le grand évêque, comme pour le grand roi, la royauté est un sacerdoce, et un souverain qui n'aurait pas le sentiment de la dignité monarchique serait presque aussi blâmable qu'un prêtre qui n'aurait pas le respect du culte dont il est le ministre. Ce fut à cette théorie, essence même du pouvoir royal, que Louis XIV eut le prestige d'attitude physique et morale que Saint-Simon appelle la dignité constante et la règle continuelle de son extérieur. L'ascendant qu'il se croyait non seulement en droit, mais en devoir d'exercer sur tous ses sujets, quels qu'ils fussent, se faisait particulièrement sentir sur ceux qui l'approchaient. Le gouvernement de sa cour, de sa famille, était soumis aux mêmes doctrines et aux mêmes règles que les affaires d'État. L'autorité paternelle se combinait en lui avec l'autorité royale. Rien n'échappait à son contrôle. Ses volontés étaient d'autant d'arrêts irrévocables et son fils, le dauphin, se conduisait à son égard comme le plus soumis et le plus respectueux de tous les courtisans. Les siècles révolutionnaires peuvent critiquer un tel système, il n'en est pas moins appréciable. Le principe d'autorité, qui s'impose à la nature elle-même, comme la règle générale de la création, est la base de toute société bien organisée. La gloire de Louis XIV, c'est d'avoir été le représentant convaincu, le symbole vivant de ce principe. C'est d'avoir compris que là où il n'y avait point de discipline religieuse, il n'y a point de discipline politique, et que là où il n'y a pas de discipline politique, il n'y a pas de discipline militaire. Les mêmes théories sont applicables aux églises, aux palais et aux camps. L'autorité indispensable est plus précieuse encore que les libertés nécessaires, et en fait de gouvernement, comme en fait d'art, pas de beauté possible sans unité. L'aspiration constante vers l'unité, qui est l'harmonie, fut tout le programme de Louis XIV. C'est pour cela que Napoléon, excusant les défauts du souverain dont il était bien fait pour apprécier la gloire, disait avec admiration « Le soleil n'a-t-il pas des taches ?» Louis XIV est un grand roi. C'est lui qui a élevé la France au premier rang des nations. Depuis Charlemagne, quel est le roi de France qu'on puisse comparer à Louis XIV sous toutes ses faces? Chapitre 3. La reine Marie-Thérèse. Trouvée au milieu des types agités par l'orgueil, l'ambition et l'amour du plaisir, une figure d'une douceur accomplie, un caractère vraiment chrétien, une âme pure, candide, angélique, c'est pour l'observateur une satisfaction, un repos. On contemple avec recueillement la simplicité sous le diadème, l'humilité sur le trône, les qualités et les vertus d'une religieuse dans le cœur d'une reine. Une vie courte mais bien remplie, un rôle en apparence effacé, mais en réalité plus sérieux et surtout plus noble, plus respectable que celui de beaucoup de femmes célèbres. De grandes souffrances morales, chrétiennement et courageusement supportées. Enfin, un type irréprochable de piété, de bonté, de tendresse conjugale et d'amour maternel. Telle fut Marie-Thérèse d'Autriche, la compagne de Louis XIV. La monarchie française a eu le privilège d'être sanctifiée par un certain nombre de reines dont les vertus, en quelque sorte contrepoids des scandales de la cour, ont contribué à sauvegarder l'autorité morale du trône. De même que sous le règne des derniers Valois, Claude de France, Élisabeth d'Autriche, Louise de Vaudemont, rachetés par la pureté de leur vie, les vices de François Ier, de Charles IX et de Henri III. De même, Marie-Thérèse compensa, pour ainsi dire, la morale des atteintes que Louis XIV lui portait. L'histoire ne doit pas oublier cette femme qui avait dans les veines du sang de Charles Quint et du sang de Henri IV. Cette souveraine qui portait avec dignité son manteau royal, tout en le comparant à un suaire, cette épouse modèle qui aimait son mari de toutes les forces de son âme et ne l'approchait qu'avec un mélange de respect, de frayeur et de tendresse. Cette mère dévouée qui s'appliquait à toucher le cœur du jeune prince dont Bossuet était chargé de former l'esprit. Cette femme qui a prouvé une fois de plus qu'un palais peut devenir un sanctuaire et qu'un cœur véritablement chrétien peut battre sous le manteau royal comme sous la robe de bure. Née en 1638, la même année que Louis XIV, Marie-Thérèse avait pour père Philippe IV, roi d'Espagne, et pour mère Isabelle de France, fille de Henri IV et de Marie de Médicis. Elle était donc cousine germaine de Louis XIV. Les sentiments chrétiens de cette princesse, qui comptait au nombre de ses aïeules Sainte Élisabeth de Hongrie et Sainte Élisabeth de Portugal, ne l'empêchaient pas d'avoir conscience de l'illustration de sa famille. Ses convictions sur l'origine et le caractère du pouvoir royal étaient absolument semblables à celles de son époux. Une religieuse qu'il était à faire son examen de conscience pour une confession générale lui demanda un jour si, avant son mariage, elle n'avait jamais cherché à plaire ni désiré d'être aimée. « Non, répondit naïvement la reine. Pouvais-je aimer quelqu'un en Espagne? Il n'y a point de roi à la cour de mon père. » Au point de vue physique, Marie-Thérèse n'avait rien de remarquable. Sa physionomie, plus allemande qu'espagnole, son teint d'un blanc mat, ses cheveux très blonds, ses grands yeux d'un bleu pâle, ses lèvres rouges et pendantes, ses traits sans finesse, sa taille peu élevée, ne la rendaient ni belle ni laide. Elle n'avait pourtant pas manqué, au moment de son mariage, d'adulations hyperboliques et de portraits enthousiastes. Tout le Parnasse s'était mis en frais. On avait composé une foule de vers français et latins dans le genre de ceci. Thérèse seule a pu vaincre par ses regards ce superbe vainqueur qui triomphe de Mars. Mais cette reine, dont tant de princes avaient ambitionné la main et dont le mariage avait eu tant de retentissements et tant d'importance politique, fit le silence autour d'elle dès qu'elle fut installée au Louvre ou à Saint-Germain. La timidité de son caractère, son horreur instinctive des médisances et des calomnies si fréquentes dans les cours, son éloignement de toute intrigue, son admiration passionnée pour le roi, qu'elle croyait beaucoup trop supérieur à elle pour oser lui donner un conseil politique, tout contribuait à la rendre étrangère au secret du gouvernement. Cependant, quand Louis XIV guerroyait, il la décorait du titre de régente. C'était à elle qu'étaient adressés les bulletins de victoire. Ce fut elle qui reçut la relation officielle du passage du Rhin. On disait alors « le roi combat, la reine prie ». Au commencement de son mariage, Louis XIV la traitait non seulement avec de grands égards, mais avec une réelle tendresse. Lorsqu'elle devint mère du dauphin, le roi versa des larmes de joie, et à 5 heures du matin, il alla se confesser et communier. Mémoire de Madame de Motteville. Marie-Thérèse eut, en 11 ans, 3 fils et 3 filles. Elle les perdit tous en bas âge et supporta ces morts cruelles, comme ses autres douleurs, avec une résignation admirable, tout en ayant le cœur déchiré. Certes, c'était un spectacle révoltant de voir les favorites du roi faire partie de la maison de la reine et servir en apparence une femme dont elles étaient en réalité, malgré les dehors respectueux, les rivales et les persécutrices. On entendit plus d'une fois la malheureuse reine s'écrier à propos de Mademoiselle de la Vallière « Cette fille-là me fera mourir ». En même temps, elle avait, si l'on en croit Madame de Caylus, mémoire de Madame de Caylus, une telle crainte du roi et une si grande timidité naturelle qu'elle n'osait lui parler ni s'exposer en tête à tête avec lui. « J'ai ouï dire, Madame de Maintenon, ajoute Madame de Caylus, qu'un jour, le roi ayant envoyé chercher la reine, pour ne pas paraître seule en sa présence, voulut qu'elle la suivît, mais elle ne fit que la conduire jusqu'à la porte de la chambre où elle prit la liberté de la pousser, jusqu'à la faire entrer, et remarqua un si grand tremblement dans toute sa personne que ses mains même tremblèrent de frayeur. D'autre part, la princesse Palatine écrit « Elle avait une telle affection pour le roi qu'elle cherchait à lire dans ses yeux tout ce qui pouvait lui faire plaisir, pourvu qu'il la regardât avec amitié. Elle était heureuse toute la journée. » Lettre de la princesse Palatine. Elle n'agissait, elle ne pensait, elle ne vivait que par lui et pour lui. Louis XIV, qui se sentait à juste titre coupable à l'égard de cette reine si digne d'affection et de respect, essayait de racheter ses torts par les égards dont il l'entourait malgré tout. Soit en public, soit en particulier, il la traitait toujours avec douceur et courtoisie. Enfin, à partir de 1682, quand après tant d'égarements, il se fixa définitivement à Versailles, la reine n'eut plus qu'à se louer de l'affection qui lui témoignait. Il lui prodiguait, ainsi que le constatent encore les souvenirs de Madame de Caylus, des attentions auxquelles elle n'était pas accoutumée. Il la voyait plus souvent et cherchait à l'amuser, à la distraire. Son fils, le dauphin, et sa bru, la dauphine de Bavière, avaient aussi pour elle une grande déférence. Ses appartements de Versailles, composés de 5 grandes pièces et aboutissant d'une part à l'escalier de marbre, de l'autre à la galerie des glaces, étaient remplis de meubles magnifiques. La reine occupait la chambre dont nous avons déjà parlé et d'où l'on aperçoit l'orangerie, la pièce d'eau des Suisses et des coteaux de Satory. Elle aimait à quitter ce splendide séjour pour aller prier dans les couvents ou visiter des hôpitaux. On la voyait servir les malades de ses mains royales, leur porter leur nourriture, comme une simple infirmière. Et, lorsque les médecins lui faisaient, dans l'intérêt de sa santé, des observations, elle répondait qu'elle ne pouvait mieux l'employer qu'en servant Jésus-Christ dans la personne des pauvres. Malgré le retour de tendresse que lui témoignait le roi, elle continuait à vivre humblement et modestement, s'occupant de son foyer domestique et non des affaires de l'État. La Gazette officielle ne faisait mention de cette bonne reine que pour annoncer qu'elle avait rempli à sa paroisse ses devoirs de dévotion ou qu'elle était allée passer la journée au Carmélite de la rue du Boulois. Marie-Thérèse, heureuse et consolée, se réjouissait aussi de la naissance de son petit-fils, le duc de Bourgogne. Loin d'éprouver de la jalousie pour l'influence grandissante de Madame de Maintenon, elle s'en félicitait comme l'une des causes des sentiments pieux de Louis XIV. Et jamais il ne serait venu à l'esprit que bientôt, elle disparut, la veuve de Scarron, l'ancienne gouvernante des enfants de Madame de Montespan, serait la femme du roi et la reine de France, moins le nom. Grand 4, Madame de Montespan et Madame de Maintenon en 1682. Grand 1. Avant d'examiner Madame de Montespan, au moment où la cour se fixait à Versailles, il faut voir ce qu'elle avait été à l'origine, puis au temps de ses tristes succès. Une beauté fière et opulente, des yeux d'azur remplis d'éclairs, un teint d'une éclatante blancheur, une forêt de cheveux blonds, une de ces figures qui jettent la lumière partout où elles paraissent. Un esprit incisif, caustique, étincelant de verve et d'entrain. Une soif inextinguible de plaisirs et de richesses, de luxe et de domination. Des allures de déesse, usurpant audacieusement la place de Junon dans l'Olympe. De l'orgueil sans dignité, de l'éclat sans poésie. Telle avait été Madame de Montespan au temps de sa toute-puissance. Née en 1641 au château de Tonnet-Charente, du duc de Mortemart et de Diane de Grandseigne, elle avait été fille d'honneur de la reine en 1660 et mariée en 1663 au marquis de Montespan. Élevée dans le respect de la religion, rien ne pouvait alors faire prévoir le triste rôle auquel la vanité et l'ambition devaient, plus que tout autre sentiment, entraîner sa jeunesse. C'était l'époque de l'enivrement des courtisans et de l'adulation des peuples. La cour apparaissait comme une espèce d'Olympe monarchique, dont Louis XIV était le Jupiter. Des dieux et des déesses inférieurs s'y mouvaient au-dessus de lui. Leur vertu était exaltée, leur vice même était étalé, avec une audace de supériorité qui semblait mettre entre le peuple et le trône la différence d'une morale des dieux à la morale des hommes. Louis XIV s'était fait accepter comme une exception en tout dans l'humanité. L'adulation était poussée si loin qu'elle s'étendait aux favorites et que leur rôle à Versailles finissait par être considéré comme une sorte de fonction publique, comme une grande charge de cour, ayant ses droits, son cérémonial, son étiquette, presque ses devoirs. Madame de Montespan paraissait là dans son élément. C'était la fièvre sultane, l'idole encensée, la déesse de cet Olympe. Madame de Sévigné, grande admiratrice au succès à tout prix, jetait sur elle des regards extatiques et exprimait un naïf enthousiasme pour sa merveilleuse robe d'or sur or, rebrodée d'or et par-dessus un or frisé, rebroché d'un or mêlé avec un certain or qui fait la plus divine étoffe qui ait jamais été imaginée. Elle écrivait à sa fille. Madame de Montespan était, l'autre jour, couverte de diamants. On ne pouvait pas soutenir l'éclat d'une pareille divinité. Oh, ma fille, quel triomphe à Versailles! Quel orgueil redoublé! Quel solide établissement! Ce solide établissement dura environ 13 ans. Belle encore, en 1682, malgré ses 40 ans, Madame de Montespan continuait à jouir des égards dus à sa naissance et à ses fonctions de surintendant de la maison de la reine. Mais sa faveur avait cessé. Malgré des efforts désespérés pour garder ou ressaisir son empire, il fallut bien s'avouer à elle-même son irrémédiable défaite. Elle n'essaya plus de lutter. Délaissée de tous, la religion seule lui offrait un baume à mettre sur les plaies faites par l'orgueil et le dépit. Elle se réfugia dans une obscure maison de Paris. C'est là que Bossuet allait lui faire des instructions pour la fermir dans la bonne voie. Les prédicateurs exerçaient alors une influence réelle sur toute la cour et cherchaient à atteindre le roi lui-même. Bourdaloue, cet orateur admirable, si grand dans sa simplicité, si vénérable dans sa modestie, ce dialecticien irrésistible, cet adversaire des passions humaines qui excellait avec ses phalanges d'arguments à livrer des batailles rangées à la conscience de ses auditeurs et dont le grand Condé disait, en le voyant monter en chaire, « Silence, voici l'ennemi !» Bourdaloue fut sans contredit l'un des agents les plus actifs de la conversion de Louis XIV. Il avait prêché à la cour l'Avent de 1670 et les Carêmes de 1672, de 1674 et de 1675. Hardi comme un tribun et courageux comme un apôtre, il retournait le fer dans la plaie. S'adressant un jour directement à Louis XIV, il s'était écrié « Ce qui sauve les rois, c'est la vérité. Votre Majesté la cherche, et elle aime ceux qui la lui font connaître. Elle n'aurait que des mépris pour quiconque la lui déguiserait, et, bien loin de lui résister, elle se fait gloire d'en être vaincue. » Les exhortations de Bossuet n'étaient pas moins pressantes. Ses fonctions de précepteur du dauphin lui donnaient un accès fréquent auprès du roi, et il en profitait pour plaider avec énergie la cause du devoir et de la vertu. C'est lui qui avait dit dans son sermon sur la purification prononcé à la cour « Fuyons les occasions dangereuses et ne présumons pas de nos forces. On ne soutient pas longtemps sa vigueur quand il la faut employer contre soi-même. » C'est encore lui qui écrivait au maréchal de Bellefond « Priez Dieu pour moi, Priez-le qu'il me délivre du plus grand poids dont un homme puisse être chargé, ou qu'il fasse mourir tout l'homme en moi pour n'agir que par lui seul. Dieu merci, je n'ai pas encore songé, durant tout le cours de cette affaire, que je fusse au monde, mais ce n'est pas tout. Il faudrait être comme un saint Ambroise, un vrai homme de Dieu, un homme de l'autre vie, tout par là, dont les mots fussent des oracles du Saint-Esprit, dont toute la conduite fut céleste. Priez, priez, je vous en conjure. » Avec quel respect, mais aussi avec quelle fermeté, quelle noblesse de langage et de pensée, le grand évêque s'adresse au grand roi. « J'espère, lui écrit-il, que tant de grands objets qui vont tous les jours occuper de plus en plus votre majesté serviront beaucoup à la guérir. On ne parle plus que de la beauté de vos troupes et de ce qu'elles sont capables d'exécuter sous un si grand conducteur. Et moi, sire, pendant ce temps, je songe secrètement moi-même à une guerre bien plus importante, à une victoire bien plus difficile que Dieu vous propose. » « Méditez, sire, écrit-il encore, cette parole du Fils de Dieu, elle semble être prononcée pour les grands rois et pour les conquérants. Que sert à l'homme, dit-il, de gagner tout le monde, si cependant il perd son âme? Et quel gain pourra le récompenser d'une perte si considérable? Que vous servirez, sire, d'être redouté et victorieux dehors, si vous êtes dedans vaincu et captif? Priez donc Dieu qu'il vous en affranchisse. Je l'en prie sans cesse de tout mon cœur. Mes inquiétudes pour votre salut redoublent de jour en jour, parce que je sais tous les jours, de plus en plus, quels sont les périls. Dieu veuille bénir votre majesté, Dieu veuille lui donner la victoire, et par la victoire, la paix au-dedans et au-dehors. Plus votre majesté donnera sincèrement son cœur à Dieu, plus elle mettra en lui son attache et sa confiance, plus aussi elle sera protégée de sa main toute-puissante. Les conseils de Bossuet et les prédications de Bourdaloue ne portèrent des fruits durables qu'après bien des efforts, bien des luttes, bien des alternatives, de relèvements et de chutes. Cependant, Louis XIV, désormais fixé sur les amertumes, les déceptions, les angoisses des passions coupables, revient à Dieu. L'œuvre de Bossuet est accomplie. Saint-Simon, qui rend pleine justice à l'attitude du prélat, dit à son sujet. Il parle souvent au monarque, avec une liberté digne des premiers siècles et des premiers évêques de l'Église. Il interrompit plus d'une fois le cours des désordres. Enfin, il les fit cesser. La conversion de Louis XIV avait en effet un caractère définitif, mais il serait injuste de l'attribuer uniquement au prédicateur et de ne pas y reconnaître, pour une part, l'influence de la femme dont nous allons parler. Madame de Maintenon. Grand 2. Il semble, a dit M. Saint-Marc Girardin, que le monde et la postérité en aient voulu à Madame de Maintenon d'un triomphe remporté par la raison au profit de l'honnêteté. N'ayant pas pu l'empêcher de réussir par la raison, le monde s'en est dédommagé en lui faisant une réputation de sécheresse et de roideur fort contraire à son caractère. Puisqu'il fallait que la raison fût triomphante, le monde n'a pas voulu au moins qu'elle fût aimable. On avait assombri une figure belle et lumineuse, oubliant que la femme qu'on voulait représenter sous un jour triste, presque sinistre, fut une charmeuse, une enchanteresse, que Fénelon définissait son esprit, la raison parlant par la bouche des grâces, que Racine songeait à elle en écrivant ses vers d'Esther. « Je ne trouve qu'en vous je ne sais quelle grâce, qui me charme toujours et jamais ne me lasse. » Les adversaires de Madame de Maintenon l'avaient d'abord emporté sur ses admirateurs. Mais notre époque, passionnée pour la vérité historique, a révisé un faux jugement. Deux écrivains habiles et convaincus, le duc de Noailles et M. Théophile Lavallée, pleins de respect pour une mémoire injustement décriée, sont parvenus à ressusciter, en quelque sorte, la vraie Madame de Maintenon. Le baron de Valkenaer avait déjà fait observer, au sujet de cette femme si diversement appréciée, quel est le personnage historique sur lequel on possède le plus de documents émanés de sa bouche ou tracés par sa plume? Il est donc à regretter, disait-il, que les historiens, même les plus judicieux, aient préféré des satires contemporaines aux témoignages certains et authentiques fournis par elle-même et qu'ils aient converti une simple et intéressante histoire en un vulgaire et incompréhensible roman. Aujourd'hui, la vérité s'est fait jour. Les défenseurs de Madame de Maintenon n'ont rien laissé subsister des invectives de Saint-Simon et de la princesse Palatine contre une femme qui, sympathique ou non, mérite à coup sûr l'estime de la postérité. Depuis la publication du bel ouvrage du duc de Noailles, il y a eu, au sujet de Madame de Maintenon, une sorte de tournoi littéraire, et le grand critique Sainte-Beuve a été le juge du camp. « Il est arrivé à M. Lavallée, a-t-il dit, ce qui arrivera à tous les bons esprits qui approcheront de cette personne distinguée et qui prendront le soin de la connaître dans l'habitude de la vie. Il a fait justice de cette foule d'imputations fantasques et odieusement vagues qui ont été longtemps en circulation sous le prétendu rôle historique de cette femme célèbre. Il l'a vue telle qu'elle était, tout occupée du salut du roi, de sa réforme, de son amusement décent, de l'intérieur de la famille royale, du soulagement des peuples. L'école révolutionnaire qui voudrait traîner dans la boue la mémoire du grand roi déteste tout naturellement la femme éminente qui fut sa compagne, son amie et sa consolatrice. Les écrivains de cette école prétendraient en faire un type non seulement odieux et funeste, mais disgracieux, antipathique, sans rayonnement, sans charme, sans séduction. On se la figure trop souvent sous les traits d'une vieille femme usée, roide et sèche, avec des yeux sans larmes et un visage sans sourire. On oublie que, jeune, elle fut une des plus jolies femmes de son siècle, que sa beauté se conserva d'une manière merveilleuse, et que dans sa vieillesse, elle garda cette supériorité de style et de langage, cette distinction de manière, ce tact exquis, cette finesse, cette douceur, et cette fermeté de caractère, ce charme et cette élévation d'esprit qui, à toutes les époques de son existence, lui valurent tant d'éloges et lui attirèrent tant d'amitié. Un rapide coup d'œil jeté sur une carrière si invraisemblable suffit pour faire comprendre tout ce qu'il y avait de séduisant chez une femme qui sut plaire à Scarron et à Louis XIV, à Ninon de l'Enclos et à Madame de Sévigné, à Madame de Montespan et à la reine, aux grandes dames et aux religieuses, aux prélats et aux enfants. Françoise d'Aubigné, la future Madame de Maintenon, vient au monde le 27 novembre 1635 dans une prison de Niort, où est enfermé son père, couvert de dettes et accusé d'intelligence avec l'ennemi. Bercée de gémissements pour tout chant de tendresse, elle commence tristement la vie. Son père, sorti de prison, la conduit à l'âge de 3 ans à la Martinique, où il va chercher fortune. Sa fortune dure peu. Il perd au jeu ce qu'il a gagné et meurt, laissant sa femme et sa fille dans la misère. Âgée de 10 ans, Françoise d'Aubigné revient en France. Elle est confiée par sa mère à une tante, Madame de la Villette, et on l'élève dans la religion protestante dont son aïeul, Théodore Agrippa d'Aubigné, a été le champion célèbre. « Je crains bien, écrit Madame d'Aubigné à Madame de Villette, que cette pauvre petite galeuse ne vous donne bien de la peine. Ce sont des effets de votre bonté de l'avoir voulu prendre. Dieu lui fasse la grâce de l'en pouvoir revancher. » Note s'il s'agit d'une lettre du 26 juillet 1646. Quelque temps après, Françoise est retirée des mains protestantes de Madame de Villette pour passer dans celle d'une autre parente très zélée et catholique. Madame de Neuillan. Je commandais dans la basse-cour, a-t-elle dit depuis, et c'est par là que mon règne a commencé. On nous mettait au bras un petit panier où était notre déjeuner, avec un petit livre des quatrains de Pibrac, dont on nous donnait quelques pages à apprendre par jour. Avec cela, on nous mettait une gaule dans la main et on nous chargeait d'empêcher que les dindons n'allassent où ils ne devaient point aller. Elle est ensuite placée au couvent des Ursulines de Niort, puis à celui des Ursulines de la rue Saint-Jacques à Paris, où elle abjure le protestantisme, non sans une vive résistance. Elle a déjà ce don de plaire qu'elle conservera toute sa vie. Dans mon enfance, a-t-elle dit elle-même, entretien de Saint-Cyr, j'étais la meilleure petite créature que vous puissiez imaginer. J'étais véritablement ce qu'on appelle une bonne enfant, de manière que tout le monde m'aimait. Étant un peu plus grande, je demeurais dans des couvents.

Elle a maintenant pour elle-même sa place marquée à la cour. On la recherche, on la flatte. Lorsqu'elle passe quelques jours à son château de Maintenon, les plus grands personnages y vont lui rendre hommage. Louis XIV la nomme Dame d'Atour de la Dauphine. Quand cette princesse arrive en France, c'est Bossuet et Madame de Maintenon qui la reçoivent à Schlechtstadt. Si Madame la Dauphine, écrit Madame de Sévigné, croit que tous les hommes et toutes les femmes aient autant d'esprit que cet échantillon, elle sera bien trompée. Lettre du 14 février 1680. Ce bien qu'elle a tant désiré, la considération, Madame de Maintenon le possède enfin. Le parti dévot la regarde comme un oracle. Les prélats les plus éminents la tiennent en haute estime. C'est elle qui travaille avec eux à la conversion du roi. C'est elle qui le rapproche de la reine. C'est elle qui, avec son éloquence insinuante et douce, plaide à la cour la cause de la morale et de la religion. Grand 5, la Dauphine de Bavière. À côté des types dominateurs qui s'imposent à l'attention de la postérité, il y a place dans l'histoire pour des figures plus calmes, plus douces, plus recueillies, qui, de leur vivant, restèrent dans l'ombre, dans le silence, et qui conservent, pour ainsi dire, une sorte de modestie et de réserve, même au-delà du tombeau. Des princesses se sont rencontrées que le tumulte du monde, l'éclat de la puissance, la splendeur du luxe, n'ont pu arracher à leur tristesse native, qui ont été humbles et timides au milieu des grandeurs, qui se sont faites à elles-mêmes une solitude et qui, suivant les expressions de Bossuet, ont trouvé dans leur oratoire, malgré toutes les agitations de la cour, le Carmel d'Élie, le désert de Jean, et la montagne s'est souvent témoin des gémissements de Jésus. Il y a dans le sourire de ces femmes un mélange d'indulgence et de douleur, d'attendrissement et de chagrin, de compassion et de bonté. Elles semblent avoir occupé les situations les plus hautes que pour nous inspirer des réflexions philosophiques et des pensées chrétiennes. Pour nous prouver par leur exemple que le bonheur n'habite pas toujours les palais, que les choses extérieures ne donnent point les véritables joies, que la grandeur est un songe, la jeunesse une fleur qui tombe, et la santé un nom trompeur. Bossuet, oraison funèbre de la reine Marie-Thérèse. Parmi ces figures plaintives, pâles apparitions de l'histoire dont la carrière peu féconde en péripéties dramatiques renferme des enseignements chrétiens, il faut placer Marie-Anne Christine Victoire, fille de Ferdinand, électeur duc de Bavière, dauphine de France. La vie de cette princesse, née en 1660, mariée en 1680 au fils de Louis XIV, morte à Versailles en 1690 à l'âge de 29 ans, pourrait se résumer par un seul mot, mélancolie. C'est une de ces natures dépaysées sur la terre et aspirantes au ciel, dont Bossuet aurait pu dire, comme de la reine, la terre, son origine et sa sépulture, n'est pas encore assez basse pour la recevoir. Elle voudrait disparaître tout entière devant la majesté du roi des rois. Son éducation avait été austère. La cour de Munich ressemblait à un couvent. On s'y levait tous les jours, à 6 heures du matin, on y entendait la messe à 9, on dînait à 10, on assistait aux vêpres tous les jours, et il n'y avait plus personne à 5 heures du soir, heure à laquelle on soupait pour se coucher à 7. Mémoire de Coulanges. La jeune princesse, loin de se laisser éblouir par l'éclat de sa nouvelle fortune, ne quitta pas, sans un profond regret, la cour pieuse et patriarcale où elle avait passé son enfance. Dès qu'elle parut dans sa nouvelle patrie, elle y produisit pourtant une bonne impression. Elle n'était point belle, mais sa grâce, ses manières, sa dignité naturelle, et plus que cela, son mérite, son instruction, sa bonté, lui donnaient du charme. Une des personnes envoyées à sa rencontre par Louis XIV écrivait au roi « Madame la Dauphine n'est pas jolie, sire, mais sauvez le premier coup d'œil et vous en serez fort content ». Elle accueillit Bossuet avec une courtoisie parfaite à Schlechtstadt. « Je prends part à tout ce que vous avez enseigné à monsieur le dauphin, lui dit-elle. Ne refusez pas, je vous prie, de me donner à moi-même vos instructions et soyez assuré que je m'efforcerai d'en profiter. » Le grand évêque fut frappé du savoir de la princesse Elle avait l'exacte connaissance des langues vivantes de l'Europe, et même de la langue de l'Église, qu'on lui avait apprise dès son enfance. Bossuet était sincère lorsque, 3 ans plus tard, il disait d'elle « Nous l'avons admirée dès qu'elle parut, et le roi a confirmé notre jugement. » Bossuet, oraison funèbre de la reine Marie-Thérèse. Nommé premier aumônier de la Dauphine, il l'accompagna de Schlestadt à Versailles. Durant le trajet eut lieu une cérémonie qui contrastait avec les transports de joie que la princesse rencontrait partout sur sa route depuis son entrée en France. Le mercredi 6 mars 1680, Bossuet lui mit les cendres sur le front, dans la chapelle seigneuriale du château de Brignicourt-sur-Sceaux. « Femme, lui dit-il, qu'il t'en souvienne, tu fus tirée de la poussière, il t'y faudra retourner un jour. » Hélas, 10 ans après, la prédiction on sait que s'accomplira, et la princesse, assistée à son lit de mort par Bossuet, lui rappellera les solennelles paroles de ce mercredi des cendres. Louis XIV fit à sa belle-fille l'accueil le plus courtois et le plus amical. Elle eut pour dame d'honneur la duchesse de Richelieu, pour seconde dame d'Atours, madame de Maintenon, pour demoiselle d'honneur, mademoiselle de Laval, de Biron, de Gontaut, de Tonnerre, de Rambure, de Jarnac. Le roi venait l'après-dîner passer plusieurs heures dans la chambre de la princesse, où il trouvait madame de Maintenon, et il consacrait à cette visite le temps qu'il donnait autrefois à madame de Montespan. Les premières années du mariage de la dauphine furent tranquilles. Son mari, qui n'avait que quelques mois de plus qu'elle, lui témoignait alors un sincère attachement. La naissance de leur fils, le duc de Bourgogne, causa des transports d'allégresse non seulement à la cour, mais dans la France entière. La joie tenait du délire. Chacun se donnait la liberté d'embrasser le roi. L'abbé de Choisy, mémoire pour servir l'histoire de Louis XIV. Spinola, dans l'ardeur de son enthousiasme, lui mordit les doigts et l'entendant crier « Sire, dit-il, je demande pardon à votre majesté, mais si je ne l'avais pas mordu, elle n'aurait pas pris garde à moi. » C'était partout des danses, des illuminations, des transports. Le peuple qui faisait des feux de joie brûlait jusqu'au parquet destiné à la grande galerie. « Qu'on les laisse faire, disait Louis XIV en souriant, nous aurons d'autres parquets. » Il montrait le nouveau-né à la foule et l'air retentissait d'acclamations, enthousiastes. Le lendemain, madame de Maintenon écrivait à son amie, madame de Saint-Géran, « Le roi a fait un fort beau présent, madame la dauphine. » Il a eu dans ses bras un moment le petit prince. Il félicita Monseigneur comme un ami. Il donna la première nouvelle à la reine. Enfin, tout le monde dit qu'il est adorable. Madame de Montespan sèche de notre joie. Nous vivons avec toutes les apparences d'une sincère amitié. Les uns disent que je veux me mettre en place et ne connaissent ni mon éloignement pour ces sortes de commerces, ni l'éloignement que je voudrais en inspirer au roi. Quelques-uns croient que je veux le ramener à Dieu. Il y a un cœur mieux fait sur lequel j'ai de plus grandes espérances. 7 août 1682. Ce cœur, celui de Louis XIV, se tournait en effet chaque jour davantage du côté de la religion. Le temps des scandales était passé. Tout nuage avait disparu du ciel conjugal de Louis XIV et de Marie-Thérèse. Les querelles de madame de Montespan et de madame de Maintenon étaient apaisées. Ces deux dames ne se voyaient plus l'une chez l'autre, mais partout où elles se rencontraient, elles se parlaient, avaient des conversations si vives et si cordiales en apparence, que qui les aurait vues sans être au fait des intrigues de la cour aurait cru qu'elles étaient les meilleures amies du monde. Souvenir de madame de Caylus. La reine disait avec reconnaissance en parlant à madame de Maintenon, « Le roi ne m'a jamais traitée avec autant de tendresse que depuis qu'il l'écoute. » L'année 1683 s'annonçait donc comme devant être heureuse pour la compagne de Louis XIV. Mais la mort s'avançait à grands pas. Une maladie foudroyante allait enlever la reine, âgée seulement de 45 ans. Cette princesse, si bonne, si vertueuse, dont Bossuet a dit « elle marche avec l'agneau, car elle en est digne », cette reine qui portait le manteau fleur-de-lysé comme un cilice, cette pieuse Marie-Thérèse, mourut comme elle avait vécu, avec une douceur angélique. Louis XIV, qui lui avait donné tant de soucis, la pleura sincèrement. « Eh quoi » s'écriait-il, « il n'y a plus de reine en France. Quoi, je suis veuve ? Je ne saurais le croire. Et cependant, il est vrai que je le suis, et de la princesse du plus grand mérite. » Voilà le premier chagrin qu'elle m'ait donné. Louis XIV, si souvent et si justement accusé d'égoïsme, s'était cependant déjà montré capable d'affection et de regret lorsqu'il avait perdu sa mère. Il écrivit dans les mémoires destinées au dauphin « Quelques grandeurs de courage dont j'eusse voulu me piquer. Il n'était pas possible qu'un fils attaché par les liens de la nature pût voir mourir sa mère sans un excès de douleur, puisque ceux-là même contre lesquels elle avait agi comme ennemie ne pouvaient s'empêcher de la regretter et d'avouer qu'il n'avait jamais été une piété plus sincère, une fermeté plus intrépide, une bonté plus généreuse. La vigueur avec laquelle cette princesse avait soutenu ma dignité, quand je ne pouvais la défendre moi-même, était le plus important et le plus utile service qui me pût être jamais rendu. Mes respects pour elle n'étaient point de ces devoirs contraints que l'on donne seulement à la bienséance. Cette habitude que j'avais formée de n'avoir ordinairement qu'un même logis et qu'une même table avec elle, cette assiduité avec laquelle on me voyait la visiter plusieurs fois chaque jour, malgré l'empressement de mes plus importantes affaires, n'était point une loi que je me fusse imposée par raison d'État, mais une marque du plaisir que je prenais en sa compagnie. Non, quoi qu'on en puisse dire, l'homme qui a écrit ces lignes ne manquait pas de cœur. Nul ne ressentit plus vivement cette incomparable douleur, ce déchirement qui vous a arraché la moitié de votre âme. La perte d'une mère, Mademoiselle de Montpensier, témoin oculaire de la mort d'Anne d'Autriche, dit qu'au moment où elle rendit le dernier soupir, Louis XIV étouffait, on lui jetait de l'eau, il s'étranglait. Il versa toute la nuit des torrents de larmes. La mort de la reine Marie-Thérèse ne lui causa pas de si cruelles angoisses, mais il n'en témoigna pas moins à cette occasion une très vive sensibilité. La cour, dit Madame de Caylus, fut en peine de sa douleur. Celle de Madame de Maintenon, que je voyais de près, me parut sincère et fondée sur l'estime et la reconnaissance. Je ne dirai pas la même chose des larmes de Madame de Montespan, que je me souviens d'avoir vu entrer chez Madame de Maintenon sans que je puisse dire ni pourquoi ni comment. Tout ce que je sais, c'est qu'elle pleurait beaucoup et qu'il paraissait un trouble dans toutes ses actions, fondé sur celui de son esprit et peut-être sur la crainte de retomber entre les mains de monsieur son mari. Ce fut le 30 juillet 1683 que la reine Marie-Thérèse mourut au château de Versailles, dans la chambre à coucher royale. Après la mort de la reine, cette pièce fut occupée par la dauphine qui devenait, point de vue hiérarchique, la femme principale de la cour. Le roi voulut faire du salon de sa belle-fille le centre le plus brillant de France. Il allait quelquefois chez elle, suivi de ce qu'il y avait de plus rare en bijoux et en étoffes, dont elle prenait ce qu'elle voulait. Le reste composait plusieurs lots que les filles d'honneur et les dames qui se trouvaient présentes tiraient au sort, ou bien elles avaient l'honneur de les jouer avec elle, et même avec le roi. Pendant que le hoka fut à la mode, et avant que le roi eût sagement défendu un jeu aussi dangereux, il le tenait chez Madame la Dauphine, mais payait quand il perdait autant de louis que les particuliers mettaient de petites pièces, souvenir de Madame de Caylus. Cependant, malgré toutes les distractions de la cour, la Dauphine se laissait envahir par une invincible tristesse. Elle étouffait dans cette atmosphère d'intrigue, d'agitation et de bruyants plaisirs. Dégoûtée de ce pays où les joies sont visibles et les chagrins cachés, mais réels, où l'empressement pour les spectacles, les éclats et les applaudissements, au théâtre de Molière et d'Arlequin, les repas, la chasse, les ballets, les carousels, couvrent tant d'inquiétudes et de craintes. Elle trouvait, comme la Bruyère, qu'un esprit saint puise à la cour le goût de la solitude et de la retraite. Malgré toutes ses prévenances et toutes ses attentions, Louis XIV ne parvint pas à lui faire aimer le monde. Et elle ne put se décider à tenir un cercle de courtisans. Elle passait tristement sa vie à Versailles, dans les petites pièces contiguës à ses appartements, en ayant pour toute compagnie qu'une femme de chambre allemande, la Bessola, que la princesse Palatine représente sous des traits odieux, et qui, au dire de Madame de Caylus, n'avait rien de mauvais. Toutefois, on l'accusait de tenir la dauphine en charte privée et de l'empêcher de répondre aux attentions gracieuses du roi. Le dauphin lui-même, fatigué du perpétuel tête-à-tête de sa femme, de cette Bessola, qui se parlait toujours allemand, langue qu'il ne comprenait point, chercha ailleurs les distractions qui lui manquaient dans son intérieur. Soit timidité, soit défiance d'elle-même, la dauphine n'essaya pas de lutter pour conserver un cœur qui lui échappait et accepta son sort avec une résignation douloureuse. Le dauphin prit l'habitude de passer une partie de ses journées et de ses soirées entre Mademoiselle de Rambure et la spirituelle princesse de Conti. La dauphine s'enferma de plus en plus dans la solitude d'où elle ne voulait sortir à aucun prix, et elle finit par être abandonnée de toute la cour, et même du roi, qui désespéra de la consoler. Madame de Caylus le remarque avec beaucoup de raison. Peut-être que les bonnes qualités de cette princesse contribuèrent à son isolement. Ennemie de la médisance et de la moquerie, elle ne pouvait supporter ni comprendre la raillerie et la malignité du style de la cour, d'autant moins qu'elle n'en entendrait pas les finesses. Madame de Caylus ajoute cette judicieuse observation. J'ai vu les étrangers, ceux même dont l'esprit paraissait le plus tourné aux manières françaises, quelquefois déconcertés par notre ironie continuelle. Un tableau peint par Delutel, d'après Mignard, représente la dauphine entourée de son mari et de ses trois fils. Le dauphin, vêtu d'un habit de velours rouge, est assis près d'une table et caresse un chien. De l'autre côté de la table, la princesse tient sur ses genoux le petit duc de Berry, qui est né le 31 août 1686. Devant elle, le duc d'Anjou. Le duc d'Anjou, le futur Philippe V, roi d'Espagne, est né le 19 décembre 1683. En robe bleue, est assis sur un coussin. Le duc de Bourgogne, qui est né le 6 août 1682, en robe rouge et portant l'ordre du Saint-Esprit, est debout et tient une lance. Dans les airs, deux amours soutiennent d'une main une riche draperie et de l'autre répandent des fleurs. Il y a sur les traits de la dauphine un charme de quiétude d'apaisement. Mais le tableau, allégorique, bien plus que réel, ne montre pas la princesse sous son jour véritable. Ses chagrins, ses souffrances, ses noirs pressentiments y sont dissimulés. Ce n'est point là l'image fidèle de la femme dont Madame de Lafayette a dit dans ses mémoires « Cette pauvre princesse ne voit que le pire pour elle et ne prend aucune part au fait. Elle a une fort mauvaise santé et une humeur triste qui, joint au peu de considération qu'elle a, lui ôte le plaisir qu'une autre que la princesse de Bavière sentirait de toucher presque à la première place du monde. Loin de se réjouir de sa haute fortune, elle regrettait l'Allemagne où s'était écoulée si modestement son enfance et disait à une autre Allemande, Madame la Duchesse d'Orléans, c'est-à-dire la Princesse Palatine, « Nous sommes toutes les deux malheureuses, mais la différence entre nous, c'est que vous vous êtes défendue autant que vous avez pu, tandis que moi, j'ai voulu à toute force venir ici. J'ai donc mérité mon malheur plus que vous. » Elle pensait, comme Massillon, que la grandeur est un poids qui lasse, que tout ce qui doit passer ne peut être grand. Ce n'est qu'une décoration de théâtre. La mort finit la scène et la représentation. Chacun dépouille la pompe du personnage et la fiction des titres, et le souverain, comme l'esclave, est rendu à son néant et à sa première bassesse. La dauphine avait le pressentiment de sa fin prochaine. On voulait la faire passer pour folle parce qu'elle ne cessait de répéter qu'elle se sentait irrévocablement perdue. Mais la pauvre princesse, qui savait bien que ses souffrances physiques et morales n'étaient que trop réelles, souriait tristement lorsqu'on doutait de ses mots. Il faudra que je meure pour me justifier, disait-elle. Monsieur en a fait la remarque dans l'oraison funèbre de la reine Marie-Thérèse. Les âmes innocentes ont, elles aussi, les pleurs et les amertumes de la pénitence. La mélancolie et la piété ne sont pas incompatibles. Il n'existe pas de ciel assez pur pour ne point avoir ses nuages. Et le Christ lui-même a pleuré. Courte en durée, longue en souffrance, la vie de la dauphine fut couverte d'un voile sombre. Cette jeune princesse, à qui la Providence paraissait d'abord réserver les destinées les plus brillantes, devait mourir à 29 ans, épuisée par le chagrin et consumée par une maladie de langueur. La terre qui était pour elle comme un exil lui paraissait d'ailleurs mériter peu de regrets. Elle mourut volontiers, avec calme, suivant les expressions de la duchesse d'Orléans. Quelques heures avant de rendre le dernier soupir, elle avait dit à cette princesse, sa compagne d'infortune, « Aujourd'hui, je vous prouverai que je n'ai pas été folle en me plaignant de mes souffrances. » Chapitre 6. Le mariage de Madame de Maintenon. J'ai fait une étonnante fortune, mais ce n'est pas mon ouvrage. Je suis,

avec celui de Louis XIV, c'est qu'elle possédait deux trésors, bien autrement précieux, qui lui appartenaient dans la demeure de Scarron et qu'elle avait perdu dans le Versailles du Roi Soleil. Deux trésors vraiment beaux, vraiment inestimables. La jeunesse et la gaieté. Chapitre 7. L'appartement de Madame de Maintenon. Si le temps est destructeur, l'homme est plus destructeur encore. L'appartement de Madame de Maintenon à Versailles, cet appartement célèbre, où pendant 30 années, Louis XIV passa une grande partie de ses journées et de ses soirées, n'est plus maintenant qu'un petit musée, et le croirait-on ? On n'y voit que des tableaux de bataille de la Révolution française. Pas un meuble du temps de Louis XIV, pas un portrait de Madame Maintenon, pas un souvenir, pas une inscription qui rappelle l'illustre compagne du grand roi. La pensée générale qui a présidé à la restauration du palais pouvait avoir, je n'en disconviens pas, une certaine grandeur au point de vue patriotique. Mais sous le double rapport de l'art et de l'histoire, elle était absolument défectueuse. Placer les faces de la Révolution et de l'Empire dans le sanctuaire de la monarchie de droit divin, c'était enlever toute sa physionomie à la demeure du grand roi. L'image de Napoléon n'est pas plus à sa place à Versailles que ne le serait la statue de Louis XIV au sommet de la colonne Vendôme. Toutefois, si l'on veut être juste, il ne faut pas oublier que Louis-Philippe, dans les réparations de Versailles, était loin d'avoir ses coudées franches. Un souffle révolutionnaire si violent circulait dans toute l'Europe que la restauration du palais de la monarchie absolue était chose très difficile et paraissait peu opportune. Au moment où l'œuvre fut entreprise, on aurait pu dire, avec l'auteur des ruines, « Ici fut le siège d'un empire puissant. Ces lieux maintenant si déserts, jadis une multitude vivante animait l'enceinte. Ces murs où règne un morne silence retentissaient des cris d'allégresse et de fête. Et maintenant, voilà ce qui reste d'une vaste domination. Un lugubre squelette, un souvenir obscur et vain, une solitude de mort. Le palais des rois est devenu le repère des bêtes fauves. Comment s'est éclipsé tant de gloire ? Volney, les ruines. Tel était l'état de dégradation du château de Versailles quand Louis-Philippe entreprit de le réparer, malgré les criailleries des iconoclastes modernes. Le roi citoyen put défendre le palais du Roi Soleil qu'en le plaçant, en quelque sorte, sous la sauvegarde des gloires républicaines et impériales. Pour se faire pardonner une tentative contraire aux intérêts destructeurs des démagogues, qui ont horreur du passé, il dut faire des commandes à une foule d'artistes de second ordre, dont les travaux furent beaucoup plus remarquables par le nombre que par le mérite. De là, ce mélange entre les genres les plus disparates. De là, cette confusion bizarre entre des gloires qui semblent tout étonnées de se trouver côte à côte. De là, ce panthéon qui a le caractère d'une Babel. Monsieur Lavallée le dit avec beaucoup de raison. Le musée national a fait subir à l'intérieur du château de Versailles une transformation complète. L'intention de ce musée était excellente. L'exécution n'y a pas répondu. Entreprise par des hommes peu versés dans l'histoire du XVIIe siècle, elle a malheureusement bouleversé les parties les plus intéressantes du château. Et c'est ainsi que l'appartement de Madame Maintenon, presque méconnaissable aujourd'hui, est occupé par trois salles des campagnes de 1793, 1794, 1795.